بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإن شاء الله تعالى اليوم سنخوض الحديث 42 والذي هو آخر حديث من المتن من هذه 40 النووية، آخر حديث من هذا المتن. Donc aujourd'hui, ça va être le 42e hadith, qui est le dernier hadith du matn des Arba'in Nawawi, qui est lui l'ouvrage de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et par la suite viendra les 8 hadiths rajoutés par Ibn Rajab, qui sont en complément de ce livre. Mais là, aujourd'hui, c'est le dernier hadith du matn originel. Non. Et ce hadith d'aujourd'hui, qui est un hadith qui est relatif, lui, au doa, à l'invocation, au raja, à l'espoir, ou à siyat al-rahmatillah, à la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'istighfar, la demande de pardon, ou fadl al-tawhid, et le mérite du tawhid. Naam. فبدا الشيخ فقال حفظه الله تعالى قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري البصري حدثنا ابو عاصم حدثنا كثير ابن فائد حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. Donc le hadith, il dit, selon Anas ibn Malik, qui dit, j'ai entendu le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, qui rapporte cela de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un hadith Qudsi encore. Il dit que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères de moi, je te pardonnerai de ce que tu auras commis, hein, sans me soucier. C'est-à-dire sans donner l'importance. Ô fils d'Adam, que même si tes péchés atteignaient les nuages dans le ciel, et que par la suite tu me demandes pardon, alors je te pardonnerai sans m'associer, c'est-à-dire sans donner l'importance. Ô fils d'Adam, que même si tu me venais avec la terre entière, c'est-à-dire la quantité de la terre entière de péchés, puis tu me rencontrais sans m'avoir rien associé, alors je viendrai avec toi, je te viendrai avec autant de pardon. D'accord? Que, là, on va dire ce que tu as commis comme péché, si tu viens avec la quantité de la terre de péché, que Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec la quantité de la terre de pardon. Dans le sens. Tayyib. Et le hadith, le shir, et d'autres imams avant lui, l'ont jugé de daif. De faible. D'accord ? De faible. Comme il dit. Car dans la chaîne de narration, il y a un majhoul qui est Kathir ibn Fa'id. C'est un majhoul. Majhoul l'hal. On ne connaît pas son hal, sa situation. Donc, voilà quoi. Mais cependant, le shir cite qu'il y a d'autres hadiths qui viennent pour l'appuyer, qui démontrent que son sens est réel, est correct. Donc il dit, par exemple, dans le hadith de Abi Dhar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man jaa bil hasanatin falu ashru amthaliha aw azid wa man jaa bil sayyati fajazaw sayyatin misluha aw aghfir wa man takarraba ilayya shibra takarrabtu ilayhi zira'a wa fihi wa man atani bi kurabil ardi khataya la yushrik bi shay'an ataytuhu bi kurabiha maghfira wa huwa fi muslim. » Donc il dit par exemple dans le hadith Qudsi, que nous avons déjà cité également dans un autre cours, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui me vient avec une bonne action, alors il aura, elle sera décuplée par 10. Et que je peux rajouter. Et que celui qui me vient avec une mauvaise action, alors sa rétribution sera une seule mauvaise action. Et que je peux pardonner. Pour que je pardonne. Et celui qui se rapproche de moi d'un emploi, je me rapproche de lui d'une brassée. Ou d'une coudée. Également, un autre hadith qui est venu dans Sahih Muslim, où il dit la même chose que la fin de ce hadith, là qui est le sujet d'aujourd'hui. Il dit, celui qui me vient avec des péchés aussi nombreux que le contenu de la terre, sans rien m'associer, alors je lui viendrai avec un pardon équivalent. Hein? C'est-à-dire, contenu de la terre, de pardon. Un grand pardon. Et ce hadith est chez l'imam musulman. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم أنذب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب بالذنب بالذنب. Donc il dit dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est encore un hadith Qudsi, que mon serviteur a commis un péché, mais il a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Il le répète deux fois. Et nous avons cité que ce hadith n'est pas là pour encourager à faire des péchés et se laisser aller, juste pour dire, justement, pour ne pas désespérer, que celui qui commet des péchés, que s'il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon, cela lui est pardonné. Naam. فالحكم على هذا الحديث ذكرناه في إصلاح المجتمع وهو ضعيف. Donc il dit que ce hadith est jugé comme faible, comme nous l'avons dit dans notre livre qui est Islah al-Mujtama, un livre du Cheikh, et que nous avons d'autres preuves qui l'appuient, qui démontrent que le sens est réel. Qui démontrent que le sens est réel. قَوْلُهُ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَعْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي. Qu'il dit dans la parole, tant que tu m'invoques et que tu espères de moi, je te pardonnerai de ce que tu auras commis sans me soucier ou sans donner l'importance. Fihi fadl ad-du'a. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Innal ladhina istakbaruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Wa qala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Fa fi hadhihi al-adillati anna ad-du'a huwa al-'ibada. كما ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء والعبادة. Donc dans la parole d'Allah, cela, ce paragraphe du hadith, ce passage du hadith démontre le mérite de l'invocation. Lorsqu'il dit ma da'awtani, tant que tu m'invoques. Car Allah dans le sens, il dit quoi? Que votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous répondrai. Et ceux qui s'enflent d'orgueil face à mon adoration, entreront au feu de l'enfer. Et il dit également, dans le sens, invoquez votre Seigneur ouvertement et en secret, car certes, il n'aime pas les gens qui font preuve d'animosité. Il y a le mortadine, ceux qui font du mal aux gens sans droit. Ce qui amène à quoi? À dire que celui qui ne fait pas de dua, qui n'invoque pas Allah, c'est un mortadine. Hein, une personne qui fait preuve d'animosité, dans le sens, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, s'il n'y a pas un autre mot plus approprié, c'est celui qui me vient à l'esprit sur le moment. Donc dans ces preuves, cela nous montre que la vocation est une adoration, comme cela est venu dans le hadith de Norman de Bashir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vocation c'est l'adoration, d'accord, la vocation c'est l'adoration, et le hadith est authentique. وَفِي فَضْلْ الدُّعَى وأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل ولجأ إليه وفر إليه وفقه لكل خير. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Donc il dit, il y a également le mérite de l'invocation, que si jamais la personne invoque Allah et revient vers lui et fuit vers lui, c'est-à-dire se sauve du mal pour revenir vers Allah, qu'il lui sera accordé le succès et la réussite pour tout le bien. Comme Allah dans le sens, il dit fuyez vers votre Seigneur, Naam. Car je suis certes pour vous un avertisseur clair. Là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux gens, c'est-à-dire que Allah lui dit de dire cela à travers ce verset, de revenir vers Allah, de fuir vers Allah, et que cela est un avertissement clair pour eux, pour les gens. وفيه فضل الرجاء. Il y a également le mérite de l'espoir. Hein, l'espoir également, l'espoir c'est une adoration. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. Donc dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'aucun d'entre vous ne meurt sans qu'il n'ait un bon soupçon envers son Seigneur. ورجاءه يجعل الإنسان حسن الظن بالله. وينبغي في حل صحته أن يغلب جانب الخوف كذا يقول أهل العلم وفي حل المرض يغلب جانب الرجاء وأنه يبقى بين الخوف والرجاء فلا يقنط من رحمة الله. Donc il dit que l'espoir amène à ce que le serviteur ait un bon doute envers son Seigneur, qu'il espère de lui, il pense du bien de son Seigneur, d'Allah. Et que les gens de science ont dit qu'il revient aux musulmans que lors de ces moments où il est en bonne santé, qu'il fasse prédominer le côté de la peur, qu'il craigne la colère d'Allah et son châtiment. Et dans les moments de faiblesse, de maladie, qu'il fasse prédominer l'autre côté, celui de l'espoir, que Allah lui pardonnera, ainsi de suite. Pourquoi ? Car en faisant prédominer la peur dans les bons moments, moments de santé, cela t'emmène à quoi ? À éviter les péchés. Car tu auras peur d'être puni. Et dans les moments de maladie, tu fais prédominer l'espoir. Pourquoi ? Car pour ne pas désespérer de la grâce d'Allah au moment de faiblesse. Te dire que, ça y est, je suis faible, pour moi c'est fini, Allah ne me pardonnera pas. Non, justement, dans ce moment-là, j'espère qu'Allah te pardonne. Et souvent, les savants comparent la peur et l'espoir comme un oiseau avec des ailes. Que si jamais l'oiseau perd l'une de ses ailes, il ne peut pas voler. Le mu'min, il est pareil. Il est entre la peur et l'espoir. Et qu'il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, yatajarra ala al-ma'asi. Et également qu'il ne persiste pas sur les désobéissances. Qala ta'ala, qala wa man yaknut mi rahmatillah il est dhalun. Qala subhana, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taknutu mi rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafur rahim. Donc il dit, dans le sens, qui désespère de la miséricorde d'Allah si ce n'est les égarés. Également dans le sens, il dit, dis, ô mes serviteurs, ceux qui ont, ou plutôt, ceux qui ont commis des excès, envers leur personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, que certes Allah pardonne tous les péchés, et il est pardonneur et miséricordieux. Et quand cela va venir, tous les péchés, hormis le shirk, pour celui qui sera mort dessus. Shirk al-Akbar. وفيه فضل الاستغفار. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجلكم جنات وجلكم أنهارا. وقال تعالى ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Donc ce hadith également comporte le mérite de l'istighfar, la demande de pardon. Allah dans le sens dit, alors je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est certes pardonneur, et qu'il vous envoie du ciel vers vous des pluies abondantes, et qu'il vous augmente vos biens et dans vos enfants, et qu'il vous accorde des jardins, et des fleuves, des ruisseaux. Et dans le sens, il dit également, ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur, et ensuite repentez-vous à lui. Il enverra sur vous des pluies abondantes depuis le ciel, et vous rajoutera de la force à votre force, et ne vous retournez pas en tant que criminel. Donc dans ce dernier verset, on voit quoi ? Que l'istighfar, souvent les savants le disent, l'istighfar est une cause de renforcement de la personne, et également une cause de risque. C'est une cause pour avoir du risque. Comme il dit, yursil samaa alaykum midrara, qu'il enverra des pluies abondantes sur vous depuis le ciel. Et également, que cela ramène de la force, yazidkum quwwatan ila quwwatikum, qui vous rajoutera de la force à votre force, et ainsi de suite. Ensuite, il dit, falistighfaru yu'tabaru takhallusan min adh-dhunub. استفراغا من الذنوب قال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا ولا ما فعلوا وهم يعلمون. Donc également il dit que le fait de demander pardon est un moyen de se débarrasser des péchés. De se débarrasser des péchés. Que Allah dans le sens il dit que ce quiconque œuvre en mal ou agisse envers lui-même et qui demande pardon par la suite à Allah, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Et il dit dans le sens également ceux qui ont commis des turpitudes ou qui ont été injustes envers eux-mêmes, puis se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et qui ne persiste pas sur ce qu'ils ont fait alors qu'ils savent? Non. Thumma qala wa qatala Allahu ghurat as-sufiyya alladhina yaquluna inna ad-du'a ma lahu athar ad-du'a wa hadi al-anbiya fama min nabiy illa wa da'a rabbah ayyub alayhi salatu wa salam wa kadha muhammadun alayhi salatu wa salam wa qra surat al-anbiya wa ghayraha tajid iqbal al-anbiya ila ad-du'a illah wa ad-du'a wa al-ibada و أبعد الناس لله هم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. Donc il dit que Allah combatte les extrémistes, les exagérateurs parmi les gens de la Soufia. Car eux ils disent quoi? Que les invocations n'ont pas d'influence sur le cours des choses. Pourquoi ils disent cela? Car eux ils voient que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu veux déjà en toi. Donc ils disent pourquoi lui demander? C'est déjà ce dont j'ai besoin. Il le sait déjà. Donc je n'ai pas besoin de l'invoquer. Eux ils prétendent comme ça. Alors que l'invocation fait partie de la guidée des prophètes. Hein? Tu n'as pas trouvé un prophète sans qu'il ait invoqué son Seigneur. Comme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou Ayoub, et ainsi de suite. Tous ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lis ce qu'il y a dans la sourate des Anbiya et autres, et tu verras que les prophètes sont consacrés à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'invocation, c'est l'adoration, comme nous l'avons dit. Et que les plus grands adorateurs envers Allah sont les prophètes. Donc comment délaisser les choses que eux, qui sont meilleurs que nous, ont fait, hein, par prétention que Allah c'est déjà ce qu'on a en nous. Les prophètes sont plus savants d'Allah, ils savent comment l'adorer, ils savent ce que Allah demande de nous, hein, et nous demande d'éviter. Donc la meilleure voie est celle des prophètes, tout particulièrement celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Nous, sa communauté, la dernière communauté. Wa fi aidan ma'firatu rabbil alamin liman istaghfarahu wa liman aqbala alayhi. La yayas من رحمة الله ومن فضل الله عز وجل وفي حديث الذي قتل 99 نفسا تاب الله فتاب الله عليه تاب إلى الله فتاب الله عليه متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Et ce hadith comprend également le grand pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui demanderait pardon en se consacrant à lui. Qu'il ne faut pas, comme nous l'avons dit, désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ni de sa grâce. Comme cela est venu dans le hadith de cet homme qui a tué 99 personnes, qui s'est repenti et que Allah a accepté son repentir. Et le hadith est muttafaqun alayhi, rapporté par Abi Saïd et le Khudri. Qoluhu yabna Adam, lo balarat dhunubuka anan as-sama. Donc il dit, ô fils d'Adam, que si tes péchés atteignaient les cieux, c'est-à-dire les anan, là ici c'est les nuages. Anan as-sama, c'est les nuages dans le ciel. Et là, quand il dit « Ô fils d'Adam », le terme est général, mais en vérité, il vise les musulmans. Ce n'est pas tout le monde. Les koufars, eux, leurs invocations, hormis peut-être l'invocation contre l'injuste, ne sont pas acceptées. D'accord ? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son discours, tourne son discours vers les croyants. Donc il dit « Thumma stafartani rafartulak » que si tu me demandes pardon, alors je te pardonnerai. Quand Allah ta'ala قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف. Donc il dit dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui ont mécru que si jamais ils cessent, alors il leur pardonnera ceux qu'ils ont commis auparavant. Donc là c'est une incitation aux koufars, aux mécréants, de délaisser ce sur quoi ils sont, et un appel de la grâce d'Allah qui leur montre que si jamais ils cessent leur mécréance, leurs actes, que Allah leur pardonnera. D'accord, ce qu'ils ont fait auparavant, qu'ils ne se disent pas si jamais j'embrasse l'islam, j'ai quand même commis trop de péchés auparavant, pour moi, je n'arriverai jamais à quoi que ce soit, à rentrer au paradis. Non, Allah, il efface tout. les péchés antérieurs, voire même que tes actes de bien restent, te sont comptés. Hein? Aslamta, alama aslaftam nil khayr, que tu t'es converti sur ce que tu as fait comme bien auparavant. Et que même ceux qui étaient des chrétiens auront la double récompense pour avoir cru en Isa, alayhi salam, et pour avoir cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela sont des bonnes nouvelles pour que les gens ne s'imaginent pas que pour entrer en islam, il faut être net et pur. Cela n'existe pas, même chez les musulmans. Même chez les musulmans, alors qu'il est, ça n'existe pas. Ce qu'on te demande, c'est de demander pardon de tes péchés, de mettre une niya, de ne pas recommencer, que tu sois un mécréant ou que tu sois un musulman qui est désobéi, et que Allah te pardonnera. Non. Donc il dit Ma dun al kufr bi mab al awla annahu yughfar. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. هذا في حق من لم يتوب أما من تاب حتى ولو من ولو من الكفر فإن ذنبه مغفور والآية لا ينبغي أن تحمل في حق التائب فقط فإن بأن يقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب فالآية أعم من هذا التفسير وكل دي Si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui a mécru et qui cesse, alors, à plus forte raison, il pardonnera ce qui est moindre, c'est-à-dire les péchés du musulman désobéissant. Comme il dit dans le sens, que certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et que ce verset est également dans, comprend également celui qui n'a pas fait de tawbah. Quant à celui qui a fait tawbah, lui, même du kufr, alors son péché lui est pardonné. Cependant, le verset, ne pas se dire que ce verset-là, que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il les pardonne en dehors de cela qui il veut, ne pas non plus dire que ce verset n'est que pour ceux qui ont fait tawbah. On parle pour les musulmans. Le kafir, s'il meurt sur le shirk, lui, il n'y a pas de tawbah, c'est fini. Mais là, pour les musulmans, ne pas se dire que ce verset-là n'est que pour ceux qui ont fait tawbah. Il se peut que tu fais des péchés, que tu n'as pas fait tawbah, et que Allah subhanahu wa ta'ala, tu le pardonnes quand même. Cependant, il faut quand même se repentir. Et voire même, Ibn Qayyim, Rahimahullah Ta'ala, il dit dans Madarij al-Salikin que la tawbah, c'est une chose qui doit être faite sur le champ. Quand tu as commis un péché, tu dois te repentir immédiatement de ce péché. D'accord ? Qu'il n'est pas permis de retarder la tawbah. Donc il dit quoi à lui ? Il dit que si jamais tu as fait un péché et que tu as fait tawbah plus tard, tu as retardé cette tawbah, et bien ton retard, ce report de tawbah, mérite même une tawbah. Par exemple, aujourd'hui, tu as dit une mauvaise parole. Tu as dit une parole qu'il ne fallait pas dire. Tu as dit une parole mauvaise, une vulgarité par exemple. Et tu n'as pas fait tawbah sur le champ. Tu n'as pas dit Astaghfirullah ou Touboulé directement, ou même dans ton cœur. Tu as attendu par exemple une semaine après. Tu dis, ah, une semaine, j'ai dit telle chose, Astaghfirullah ou Touboulé par exemple. Et bien, toute cette semaine passée, là où tu n'as pas fait tawbah, tu dois te repentir d'avoir reporté cette tawbah. Car la tawbah est une chose qui doit être faite sur le champ. Donc attention, tawbah sur tawbah. Une chose souvent, on est inattentif à cela, qu'une tawbah, lorsqu'on voit un péché et on se rend compte du péché qu'on a fait, on doit se repentir sur le champ. Et si jamais on retarde, qu'on se repente également d'avoir retardé. Donc il dit, ô fils d'Adam, si tu étais venu avec le contenu de la terre en péché, ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْلِكْ بِي شَيْئًا que par la suite, tu me rencontres sans ne m'avoir rien associé, hein, alors je te viendrai avec autant de pardon. On fait hadith Abdullah ibn Amr ibn As, hadith et bitaqa, ma'ruf, wa huwa fi sahih al-musnad, shaykhina rahimallahu ta'ala. Donc il dit également, comme cela est prouvé par le hadith du registre, l'homme avec les cartes, qui avait des registres, à perte de vue rempli de péché, hein, qui a mis la carte du tawhid, que tout cela lui a été pardonné par ce mérite du tawhid. D'accord ? Ce mérite du tawhid. Non. Et ce hadith est dans le Sahih al-Musnad de Shamukbil, rahimahullah ta'ala. Donc il dit وَلَذِي أَتَى بِتَوْحِيد رَجَّحَتْ بِتِلْكَ سِجِّلَّاتْ كُلِّهَا قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ أَمْنٌ وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ وَقَالَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Donc le tawhid a un grand mérite qui fait qu'il pardonne tous les péchés. Celui qui meurt muwahidan, alladhi mata muwahidan, tayyib, dakhal al-jannah. Celui qui meurt avec le tawhid rentrera au paradis. Et vous savez que le tawhid inclut les actes. Le tawhid inclut les actes. Ne pas se dire c'est dans le cœur seulement. Le tawhid inclut les actes. D'ailleurs, un instant, il y avait une parole d'Ibn Rajab, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise, il cite cela. Il dit, nous allons lire. Dans Jami al-Ulum wa Hikam, il dit quoi? Quand les bardoum, le muwahid, la yulqi, la yulqa fi nar, kama yulqa le kuffar. Voilà la kofiha, ma yulqa le kuffar. Voilà la kofiha, kama yulqa le kuffar. Faina, كمل التوحيد فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلب ولسان وجوارح أو بقلب ولسان عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. Donc il dit, regardez, que certains, quand il dit certains بعضهم, certains gens de science disent que le muwahid ne sera pas mis au feu comme le sera le kafir. C'est-à-dire que même le mouahid, quoi, commis des péchés, si jamais il rentre au feu, ne sera pas mis au feu comme le sera le kafir. Et qu'il ne subira pas ce que subira le kafir. Et qu'il ne restera pas comme il restera le kafir. Et que si jamais que son tawhid également se perfectionne, et encore meilleur, ainsi que sa sincérité pour Allah, d'accord, et qu'il accomplisse les conditions, toutes les conditions, par son cœur, par sa langue et par ses membres, ou alors par sa, par son cœur et sa langue lors de la mort, c'est-à-dire lorsqu'il meurt, il a un bon espoir envers Allah et il fait du zikr, il fait du stirfar, alors cela lui rendra obligatoire qu'il sera pardonné ce qu'il aura commis comme péché auparavant. Et cela l'empêchera de rentrer au feu. Hein, ça l'empêchera totalement de rentrer au feu. Voilà ce qu'il dit le shir. Ibn Rajab. Non. Donc le shir poursuit en disant, shir Yahya en disant, que ceux, après qu'il citait le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens, que ceux qui ont cru et qui n'ont pas souillé leur foi par l'injustice, et là l'injustice c'est le shirk, ceux-là seront sécurisés et ceux-là seront les bien guidés. Et dans le sens où il dit inna shirk la zulm azim, où il dit inna shirk la zulm azim, que certes le shirk est une grande injustice. C'est la plus grande injustice. Quand on a dit quoi, le zulm, c'est wad aishay fi ghayr mawdi'i, c'est le fait de mettre une chose, hein, hors contexte, ne pas la mettre à sa place. Et donc le shirk, c'est le fait de tourner l'adoration vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou la partager avec autre que lui. Non. Lorsqu'il mérite lui. فيجب على المسلم أن يتحرى التوحيد في كل صغيرة وكبيرة من أمر ذنبه من أمر الدين سواء كان في اللفظ أو في الأقوال والأفعال كل ذلك يتحرى التوحيد ولا تساهل في مسائل الشرك أبدا في صغيرة ولا كبيرة. قال تعالى إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc il dit que l'obligatoire pour le musulman qu'il recherche et s'efforce dans le tawhid, dans toutes choses, dans les petits comme dans les grands actes, dans toutes les choses touchant à sa religion. Qu'il ne soit pas laxiste, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, hein, et ainsi de suite. Dans tout cela, il doit rechercher le tawhid et ne pas être négligent. Et également ne pas voir, ça c'est du shirk mineur, ça c'est du shirk majeur. Le shirk est dangereux dans tous les cas. Le shirk est dangereux dans tous les cas. Bien que le shirk asrar ne te fais pas sortir de la communauté, il reste toujours dangereux, tu dois l'éviter. Car même des savants, eux, voient que le shirk, de façon générale, Allah ne pardonnera pas pour celui qui meurt dessus. Comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, par exemple. Lui voit que le verset général, shirk akbar ou asrar, les deux, celui qui meurt dessus, sans avoir fait tauba, que Allah ne pardonnera pas. Donc, ensuite il dit, هذا الحديث من أدلة الرجاء وهو رد على الخوارج وهو ما كان من بابه من الأحاديث و هو وما كان من بابه من الأحاديث فالخوارج الذين يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار وكذا المعتزلة يقولون هذا القول فهو رد عليهم ما دام لم يشرك وأتى بكراب الأرض خطايا فإنها إن شاء الله غفر له فإنها إن شاء الله مغفورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة يوم من الدهر من أصابه قبل ذلك ما أصابه وهكذا حديث الشفاعة في هذا وأهل العلم يذكرون هذا الحديث في الرجاء وفي تحذير من الشرك وفي فضل التوحيد ويذكرونه في فضل الاستغفار ويذكرونه أيضا في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفيه فوائد كثيرة ومنها ما يسر الله ذكره في هذا الموضوع. Donc il dit que ce hadith est parmi les preuves de l'espoir. Hein? Les preuves de l'espoir pour les musulmans. Et qu'il est également une réplique aux khawarij. Car les khawarij sont ceux qui disent que celui qui a commis un péché, un grand péché, celui-là sera éternellement dans le feu. Et également les mu'tazila. Les mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent eux? Qui disent que celui qui a commis un grand péché dans ce bas monde, il se comporte avec lui comme un mécréant. Mais dans l'au-delà, il est entre les deux niveaux. Al-Menzila ben al-Menzilatayn. Il est entre deux niveaux. Ça, c'est une parole qui n'a pas de précédent. C'est une innovation, sans aucun doute. Hein? Que les gens sont soit au paradis, soit au feu. Qu'il n'existe pas de niveau intermédiaire. Ou c'est la foi, ou c'est la mécréance. Il n'y a rien entre les deux. Non. Donc ce hadith, c'est une réplique contre ces gens-là. Tant que la personne ne commet pas de shirk et ne meurt pas dessus. Que même s'il vient avec tout le contenu de la terre en péché et qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonnera. Et quand bien même il ne fait pas tawbah, il se peut qu'Allah lui pardonne quand même. Il se peut qu'Allah lui pardonne quand même. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Huraira, que celui qui dit « La ilaha illallah » avec véracité dans son cœur, entrera au paradis un jour. C'est-à-dire, peut-être qu'il se peut qu'il passe au feu, mais un jour, il finira par entrer au paradis. Quoi qu'il ait fait auparavant. S'il rentre, qu'il meure avec le tawhid dans son cœur, hein, avec véracité et sincérité, car parmi justement les shurut de la ilaha illallah, il y a la véracité, et sidq, ou l'ikhlas, la sincérité. Non. Également le hadith de l'intercession. Hadith al-Shafa'a. Voyez, et que les gens de science se servent de ce hadith que nous avons cité aujourd'hui pour rappeler l'épreuve de l'espoir et pour mettre en garde contre le shirk. Et qu'également il contient le mérite du tawhid. Et également il démontre le mérite de l'istighfar, la demande de pardon. Et également pour démontrer la grande, l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce hadith contient un bien grand nombre d'enseignements utiles, hein, et que nous avons cité ici que ce que Allah nous a facilité, en résumé. Mais le hadith mérite bien plus que cela. Ensuite, la parole. وَقَوْلُهُ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ. Que je t'ai pardonné de ce que tu auras commis. أَيْ إِذَا كَانَ مِنْ أَلِ التَّوْحِيدِ غُفِرَ لَهُ مَا دَامَ يَدْعُو وَيَرْجُو فَإِنَّ كَانَ دُعَاؤُهُ ذَاكَ مَعَ التَّوْحِيدِ فَنَعَمْ وَإِنْ كَانَ مَا شِرْكْ فَلَا قَالَ تَعَلَى إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Afin de chaque mot rimé aujourd'hui. Donc les baies, les mimes, comme ça, c'est un peu... J'ai un peu du mal à les prononcer. Donc il dit que ce hadith concerne bien entendu les gens du Tawhid. D'accord ? Qu'il sera pardonné tant qu'il continue à invoquer et à espérer. Que si jamais ses invocations sont appuyées par le Tawhid, alors cela sera accepté. Par contre, si jamais elles sont bâties sur du shirk, elles seront refusées. Comme le prouve le verset dans le sens où Allah dit que certes Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Wa hadith Ubalat ibn Samit. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها لمريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله والجنة على ما كان من العمل. Donc dans le hadith, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré sinon Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager et sa parole, ainsi que son souffle qu'il a mis en Mariam, et que le paradis est vérité, ainsi que le feu, qu'il rentrera au paradis, hein, avec même les actions qu'il aura commises auparavant. Donc ce hadith vient pour appuyer celui-ci. Et ce hadith que nous avons cité à l'instant là, lui c'est un hadith qui est une forme de réplique envers les Yahoud ou les Nasara, les Juifs et les Chrétiens. Pourquoi? Tout le monde en général, même les mouchriquins. Mais là, pourquoi? Quand il dit que le Mohammed est le message d'Allah. Cela est une réplique pour les Juifs qui l'ont, hein, qui n'ont pas voulu accepter la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son message. N'ont pas accepté. Et également, lorsqu'il dit Wana Isa, Abdullah, wa Rasuluhu, wa Kalimatuhu, al-Kohel et Mariam, wa Ruhu minhu. Également, cela est une réplique aux chrétiens et aux juifs, aux chrétiens d'abord qui, eux, ont dit que Isa, hein, wa'azan billah, c'est le fils d'Allah. Donc là, Allah dit bien que Isa, c'est son serviteur et son messager. Donc cela les réfute. Et également, les juifs qui, eux, ont dit quoi? Que Isa est le fruit de la fornication, que Mariam, hein, a forniqué et de là Isa est né. Ils ne croient pas que Isa est né sans père. Donc ce hadith vient pour les réfuter en disant quoi? Waruhu minhu, que c'était un souffle d'Allah qui était insufflé en Mariam. Donc de là, ce hadith est venu pour les réfuter ces gens-là. Naam. Donc il dit, qila, c'est-à-dire après ce hadith, قيل أدخله الله الجنة على قدر عمله إن كان من أهل الدرجة العلى ففي الدرجة العلى وإن كان من درجة غير العلى فكذلك على قدر عمله هذا قول وقيل أدخله الله الجنة ما توحدي ذلك على أي عمل ما دام موحدا فهو داخل الجنة ولقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا بفضل الله عز وجل ليس مقابل عمله داخل الجنة بفضل الله عز وجل ولا أي عمل كان دون الشرك وهذا معنى الآخر وهذا المعنى الآخر أصح. Donc il dit quoi par rapport à ce hadith lorsqu'il dit que Allah le rentre au paradis du fait qu'il ait fait l'attestation qu'il témoigne que Mohammed c'est le message d'Allah que Isa est le serviteur d'Allah et son messager une parole et son souffle qu'il a inculqué à Maria, insufflé à Maryam que le paradis est véridique ainsi que le feu, qu'il rentrera au paradis, quel que soit ce qu'il a commis auparavant. Le shir dit que il y a deux interprétations sur ce hadith. La première, qu'il soit rentré au paradis en mesure de ses actes. C'est-à-dire, plus ses actes auront été bons, plus il sera dans un haut degré du paradis. Et moins ses actes étaient bons, et plus il sera bas. Ça, c'est une première interprétation. C'est-à-dire, il rentrera au paradis en mesure de ses actes. Non. Et l'autre interprétation, c'est que il rentrera au paradis par son tawhid, quelles que soient ses œuvres, il entrera au paradis. Par la parole d'Allah, ou dans le sens que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et qu'en fait, il rentre au paradis par la grâce d'Allah et non pas en redevance par rapport à ses actes. Qu'il ne rentre au paradis que par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et que ses actes n'en font qu'une cause et non pas un droit, tant qu'il n'a pas fait de shirk. Et que le shirk dit que le deuxième sens est le meilleur, c'est le fait qu'il rentre au paradis par son tawhid, par la grâce d'Allah. Pourquoi? Car tu ne rentres pas au paradis, hein, pour tes actes. Tes actes sont une cause qui t'amène au paradis. Mais en vrai, c'est la grâce d'Allah et sa rahma qui fait que tu rentres au paradis. Pourquoi? Car regarde le temps de vie que tu as passé sur Terre, par exemple. Allez, on dit que tu as vécu 60 ans, par exemple. 60 ans. Est-ce que du jour où tu es né jusqu'à tes 60 ans, tu n'as fait que du bien? Et admettons que tu n'aies fait que du bien. Est-ce que ces 60 années de bien méritent l'éternité dans les délices du paradis? Bien sûr que non. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala te donnait juste pour tes œuvres, il te mettrait au paradis le temps que tu as fait tes œuvres. Hein? Et en mesure de tes œuvres. Donc tu n'aurais pas grand-chose. Mais là, il te met au paradis avec des délices inimaginables et une période éternelle. Donc est-ce que quelques œuvres passées en ce bas monde méritent tout cela? Est-ce que c'est un droit? Non, ça c'est la grâce d'Allah qui t'accorde du fait que tu lui obéis, que tu lui adoré sans rien lui associer, Il t'a promis cela en échange par sa grâce. Et non pas par tes œuvres. C'est pas genre comme tu as fait ça, alors tu mérites cela. À bien comprendre cela. On rentre au paradis par la rahma d'Allah. D'accord? Par la rahma d'Allah. Car les actes, quoi que ce soit les actes qu'on ait faits, et le temps de vie qu'on ait eu, jamais cela ne méritera les bienfaits du paradis, tels qu'ils sont eux. Hein? C'est une chose qui est immense. Non. Donc là, le shir dit, Ilahuna intahayna min al-arba'in an-nawawiyya wa baqiyat kalimat. Donc il dit que de là se termine l'explication des arba'in nawawi, ceux de l'imam al-Nawawi, et que par la suite viendront ceux d'Ibn Rajab. Non. Avant de terminer, j'aimerais ici donner une faïda importante par rapport à ce sujet qui est quelle est la différence entre l'istighfar et la taouba? Quelle est la différence qu'il peut y avoir entre les deux? Le fait de demander pardon et le fait de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est ce que dit Ibn al-Qayyim dans Madarij et Salikin, dans le volume 1, en page 252 et 253. Il dit, on va lire vite fait pour terminer le def. À la base, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la tawba al-istighfar, c'est un peu comme l'islam et l'iman. Quand tu cites l'islam tout seul, il inclut l'iman. Quand tu cites l'iman tout seul, il inclut l'islam. D'accord? L'iman, c'est les actes intérieurs, l'islam, c'est les actes apparents. Mais tout seul, lorsque tu cites le mot tout seul, il inclut les deux sens. Enfin, la tawba, l'istighfar, c'est pareil. Lorsque tu cites tout seul, la tawba a le sens de l'istighfar. Et l'istighfar a le sens de la tawba. Ensuite, il dit, par contre, quand tu le sépares les deux, ou plutôt quand tu cites les deux, el tawba wa el istighfar, les deux ensemble, donc là, il va dire la différence entre les deux. Amma inda iqtiran ihda al-lafzatayn bil-ukhra, fa l'istighfaru talab وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات أعماله. Donc il dit lorsque les deux sont cités, l'istighfar, c'est le fait de désirer une protection du mal antécédent, de ce qui a déjà été fait. Tu demandes pardon à Allah pour ce qui a déjà été fait auparavant. Et que la Tawba, elle, c'est un retour vers Allah et un désir de protection de ce que le serviteur a peur de commettre à l'avenir comme faute. Donc l'istighfar, lui, est lié au passé. Et la tawba, elle, est liée à quoi? À l'avenir. Lorsque les deux sont cités ensemble, bien sûr. Sinon, la tawba, c'est l'istighfar. L'istighfar, c'est la tawba. Mais quand tu mets les deux ensemble, quand c'est qu'au ta'ala, istaghfiru rabbakum thumma tawbu ilayhi, hein, demandez pardon à votre Seigneur, puis reportez-vous à lui. Ce verset vient bien, pour ce qui est passé. Fumma tubu ilayhi, et reportez-vous à lui pour ce qui va venir par la suite. Et il dit également, falastighfar min bab izalatil darar, wa al-tawba talab jalb al-manfa'a. Falmaghfiratu an yaqiya shar al-dhanb, wa al-tawba an yahsula lahu ba'da hadha al-wiqayati ma yuhibbuhu. Wa kullu minhumā yastalzimu al-akhar 'inda ifradihi wallahu a'lam. Donc il dit, l'istighfar, c'est également du fait de faire disparaître le mal passé. Et la tawba, c'est le fait de désirer de faire venir les choses bénéfiques. Tamam? Car le pardon, lui, amène à quoi? À te préserver du mal du péché. Et que la tawba, elle, hein, la tawba t'amène à quoi? Elle t'amène à quoi? À ce que te vienne ce que tu aimes. D'accord? C'est-à-dire que l'istighfar fait cesser le mal passé. Et la tawba t'amène des choses bénéfiques que tu aimes, dont tu auras besoin par la suite. T'as bien? Ça, c'est la différence que Ibn Qayyim a cité par rapport à la tawba et l'istighfar. Lorsque les deux sont cités séparément. Ou plutôt ensemble. Mais quand ils sont cités, lorsqu'ils sont cités ensemble, ils ont le même sens. Naam. Fabien Dalkod Naktafi, Fanakul, Alhamdulillah Rabbil Alamin.